in the evening, out in the square, a man in a raincoat, standing there. We met by the lamp where the... Malgré nos 30 vies, la réussite ne tient plus qu'à toi. Le regard des gens me rappelle que la terre abrite le purgatoire. Demande à Ludo, la solitude nous rend tous barges. Désolé si la vérité sort de la bouche d'un tout bas. Les femmes sont des putes, sont-elles formées à Rotterdam? Au fait, la beauté de tête ne reflète pas toujours sa grandeur d'âme. Faut qu'on arrose ça avec de l'encre et des larmes. Dès lors, je pars dans mes pensées afin d'y remplacer les armes. Désormais, on est là, on n'est pas prêt de se faire la charge. On parle l'Elysée à des chocs, mais y'a personne pour tirer la charge. J'ai dans la tête des choses qui me gênent pour y ramper. L'amour, je l'ai enterré. Un jour, j'y déposerai des chrysanthèmes. Moi, j'excelle dans l'art de dire ce que je pense. Dites au Sénat que je l'encule, c'est à mes cordes vocales qui se pendent. Tu sais, le temps passe et les amis s'éloignent. Y'a plus personne quand le bateau coule, que les abus témoignent. Et quand je picole, je me sens si fort et à la fois si faible. Je me sens tellement fort que la fontaine peut ranger toutes ses femmes. La famille, ceci, cela, c'est ce que tu dis quand t'es à court d'idées. Compare nos textes à une plante carnivore au milieu d'orchidées. Des violeurs qui les jura, dis-leur que tu la joueras. Dis-leur que sans motif, t'as pas l'humour de Laurent Gérard. Eh poteau, la prod, je viens lui défoncer le bas-ventre. Pour la sortie de mon scoop, crois pas que je viens taper un bac-ventre. Je passe de coq à l'âne, passe un sky sans coca-like. Cousin, je ne peux te faire que du son local à l'occasion.